L'arbre marqué par Lucie de la rue Mardrus. Un geste assoupli par 40 ans d'habitude tendait les mains du père François vers les fleurs de ses serres ou de ses plates-bandes. De l'aube au couchant, avec des émotions de poète et des adresses de modiste, il s'occupait à les soigner. Il enfonçait ses vieux genoux dans la terre, ou bien posait son gros soulier sur la bêche, à moins que pour quelque taille il ne s'attardât, soit autour des bosquets, soit autour des rosiers. Il se réveillait avec la lumière et s'endormait avec elle, comme les plantes. Il n'avait ni parents, ni famille, mais ses maîtres l'aimaient. Et dans la petite maison de jardinier, qui au bout du parc lui était réservée, il vivait heureux depuis sa jeunesse. N'était-il pas le roi de cet hectare de terre où ses soins faisaient éclore une nature si élégante? Ses maîtres n'y apparaissaient que de mai en octobre, juste pour admirer les morceaux à la française, les vallonnements genre parc anglais, les massifs nouveaux de l'année, et surtout ces complications ingénieuses de couleurs et d'espèces qui faisaient de chaque plate-bande quelque chose de plus beau que n'importe quel ouvrage de dame. Généreux, riche, ses maîtres pourvoyaient sans compter aux dépenses occasionnées par un tel luxe floral, frais de bouture, de greffe, de semis, de dépotage, de rempotage, de chauffage de serre, de paillassons, de fumier, d'eau. Et le vieil horticulteur, maître des 4 saisons, menait ainsi, dans une solitude presque complète, son existence naïve et passionnée. Il sentait, sans se le formuler, qu'il était en effet une sorte de débonnaire autocrate, debout sur cet empire de Corolle. Il était la force et l'intelligence du jardin. Il ressemblait, dans sa toute-puissance, au gros être, gardien de la grille d'entrée. Parmi la mièvrerie de tant d'essences d'ornement dont les feuilles panachées sont presque aussi jolies que des fleurs, ce être était le seul arbre qui, par sa grande taille, donna l'idée de la domination. Et certes, le jardinier n'allait pas jusqu'à une comparaison trop difficile pour son cerveau, mais il aimait cet arbre d'une affection singulière. Il avait à cœur, chaque année, de l'enguirlander de fleurs grimpantes, clématites, capucines, pois de senteur, haricots d'Espagne, dont il agençait les nuances avec une coquetterie toute spéciale. Même un jour, il eut cette idée enfantine de graver son nom dans l'écorce du bout de son couteau. Il le fit avec soin et gravité. La belle peau grise et lisse laissa bientôt paraître en lettres évidentes et régulières le nom tout simple du bonhomme, François. Et c'était en vérité comme s'il eût signé tout le jardin. Donc, les années horticoles se suivaient, monotones, avec leurs variations exactes, leurs épisodes prévus. Sans se rendre compte de la rapidité du temps, le bonhomme paisible, affairé et muet, passait d'un enivrement à l'autre, et rien ne dérangeait sa laborieuse et plaisante existence. Pendant tel mois, ses gros doigts ne cessaient de se consacrer aux milliardises de la greffe. Pendant tel autre, il y avait des aventures de roses. La fécondation artificielle voulait que toutes les fleurs de certains rosiers fussent soigneusement enveloppées de papier de mousseline, afin que les pollens voisins, au hasard de la brise ou des abeilles, ne vinssent épouser ces roses fiancées. Les étamines enlevées, elles attendaient, sous leur voile blanc, que l'ongle noir du jardinier leur apporta enfin la semence précieusement choisie, dont une nouvelle espèce devait naître l'année suivante. D'autres fois, c'était le coup de baguette magique du dépotage des géraniums. Alors, la terre, débarrassée de ses jacinthes, de ses violettes, de ses anémones, de ses pensées, fragile visage d'avril, la terre, nouvellement labourée, se voyait brusquement envahie par l'arbre multicolore, sorti des serres, de ces géraniums mêlés à toutes les espèces de l'été. Au milieu des spirées légères, des phlox variés, des iris japonais, des glaïeuls à la hampe fleurie, des gros bégonias étalant leurs fleurs de soie rose, les œillets secouaient leurs épis au vent, les fuchsias semblaient danser comme des elfes, les campanules sonnaient pour des fées, et les pétunias, qui s'évanouissent si vite quand on les cueille, tendaient, rouges, blancs ou panachés, leurs petits bols remplis d'odeurs. Plantes molles et plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, elles se pressaient en foule inutile et délicate, maintenues par des cordons de corbeilles d'argent, au pied des érables de luxe, des lilas, des citises, des fusains et des rhododendrons des fleuries en mai. Et les jours de fauchage des pelouses, l'herbe coupée mêlée, couchée sous le soleil, son petit parfum peu sûri aux riches émanations de tant de calices sucrés. Que de fois, attardé dans le crépuscule, le vieux François, la journée finie, regardait avec des yeux de grand-père toutes ces fleurs qu'il aimait comme une famille. À mesure que baissait le jour, leur couleur semblait éclater plus vive, et quand l'ombre était presque complète, les géraniums demeuraient encore, piquaient le clair-obscur comme autant de minuscules lumières. Alors il rentrait, en se frottant les mains, et la couleur de ses rêves, pendant le sommeil, était celle d'une plate-bande bien réussie. En octobre, quand le labour devint sinistre comme une fosse fraîchement creusée, c'était le roman des chrysanthèmes ébouriffés, extravagants, dont l'odeur mortuaire, à travers les jardins, chante, jusqu'à l'époque du gel, un silencieux dies irae. Peu de temps après leur plantation, les maîtres partaient. Ensuite, c'était la vie chaude et artificielle de la serre, ses parfums humides, ses pots de terre rangés sur les gradins. Par les nuits trop froides, le père François se relevait en grelottant pour activer les feux, descendre les paillassons. Et ses vieilles mains, tremblantes et rouges, d'un geste héroïque, inventaient, pour ses chères plantes, un climat factice, organisait en dépit des décembres frigides, des nuits tropicales enfermées sous verre. Ainsi passait sa vie contente. Puis il y eut un jour horrible où le destin qui frappe les choses comme les êtres atteignit tout à coup la propriété. L'un des maîtres, en mourant, changea la situation de la famille. Le jardin fut vendu avec sa maison, et du jour au lendemain, brutalement congédié par les nouveaux patrons, le père François, stupéfait et tragique, se trouva, loin de son royaume, tout seul, dans un petit logement de la ville voisine. Il était trop vieux pour se faire accepter ailleurs comme jardinier, ou pour prendre à son compte quelques fonds d'horticulture. Du reste, il ne voulait plus rien que son jardin et sa serre. L'habitude, cette passion lente, l'y avait à jamais attaché. Est-ce que l'âme n'a pas, elle aussi, des racines ? Au bout de quelque temps, on le vit donc chaque jour quitter la ville, prendre la route et retourner vers son jardin. Il se collait contre la grille d'entrée pendant des heures, regardait. Les nouveaux maîtres devaient être avares ou paresseux le jeune jardinier qu'ils avaient engagé, car en juin, les gazons, mal soignés, montèrent, se bossuèrent de touffes rudes. Les massifs laissèrent boire la terre entre les fleurs raréfiées. Les arbustes, non taillés, tendirent de ci de là des surjoncs impertinents. Des galets mal ratissés, des vitres brisées à la serre. Le vieux se tordait le cou pour voir plus loin. Son cœur, affreusement serré, lui faisait mal. La rage le crispait contre cette grille qu'il ne pouvait plus franchir pour aller sauver ses fleurs, enfant martyr, tout son pauvre harem végétal livré aux mains des barbares. Et, levant la tête vers le hêtre qu'il avait marqué, dont la branche principale dépassait la grille, il le regardait avec des yeux en détresse. Celui-là, au moins, ne l'avait pas renié. En plein cœur, il continuait à porter son nom. Peut-être, sans qu'il s'en rendît compte, le pauvre homme eût-il voulu sauter assez haut pour atteindre les bras ligneux de son ami, s'y asseoir et doucement s'y consoler comme un enfant triste qu'on berce. Plusieurs fois, on le chassa grossièrement. Il déplaisait aux gens du jardin de voir toujours ce vieux fantôme obstinément collé contre leur grille. Une fois, on lâcha les chiens sur lui. Les commères de la ville qui s'intéressaient à lui disaient chaque jour « N'y allez plus, père François, vous finirez par vous ronger les sangs ». Mais il ne voulait écouter personne. Sa nostalgie était plus forte que tout. Et malgré les avanies ou les conseils, malgré les gens et les chiens, courbés, osseux, devenus depuis quelques mois presque boiteux, il continua à fréquenter l'irrésistible grille. Or, un matin d'août, l'horizon était si noir quand il partit que tous les voisins le supplièrent de ne pas se mettre en route. « Vous ne voyez donc pas ce qui va tomber, père François ? Vous allez certainement prendre mal aujourd'hui. » Mais lui, d'une voix sourde, répondit à tous « Je le sais bien, pardi, ce qui va tomber, c'est de la grêle, et justement, j'ai si peur pour mes géraniums. Les bouteux de l'année seraient simplement fichus, il faut que j'aille voir ça de près. » La tempête le prit en chemin, pas un abri. Rien que la route torte et le ciel mauvais poignardaient d'éclairs. Une fureur sourde semblait ramasser dans l'atmosphère. Puis tout à coup, cela éclata. ce fut une de ces bourrasques d'une rare violence après lesquelles les arbres, en plein été, restent roussis du côté où le vent les a attaqués comme par un incendie. Le ciel bas fuit à toute vitesse du côté de l'est. La pluie, empêchée par la rafale, ne pouvait tomber et les lointains, lugubrement, semblaient se rapprocher à vue d'œil. Bousculé, jeté dans les ornières, roulé comme une feuille sèche, le vieux arriva pourtant avec effort devant la grille. Il avait perdu son chapeau et tout son corps tremblait, mais il était soutenu par son idée fixe. Il se cramponna donc au barreau pour ne pas tomber, et surexcité par la tempête, plus fou qu'à l'ordinaire, il dilata ses yeux enfoncés de vieillard vers le jardin livide sur lequel couraient des traînées de nuages couleur d'encre. Le fracas des vitres de la serre, brisé par des branches emportées, dominait l'éclat des éléments. Il vit ses rhododendrons, ses érables panachés, ses lilas, ses cytises, se coucher tous dans le même sens jusqu'à effleurer de leur sommet la terre. Il vit ses fleurs, ravagées comme par une main méchante, se casser les unes sur les autres, voler en l'air, monter jusqu'au ciel, tourbillonner, redescendre. Il vit au-dessus de lui le être marqué, pris de convulsions, tordre ses grands bras frénétiques. Il entendit toutes ses feuilles siffler. Haletant, courbé, épouvanté, mais quand même obstiné, au milieu de la furie universelle, il s'agrippait de plus en plus nerveusement à la grille, lorsqu'au-dessus de sa tête, le être craqua formidablement. Fût-ce la foudre ou le vent seul? Il eut un tumulte comme si la colonne du monde venait de se briser. Le temps de lever les yeux, l'arbre, cassé par le milieu, démolissant la grille au passage, s'abattit d'un seul bloc sur le bonhomme. Comprit-il vraiment de quelle mort il mourait? Crut-il que, pour le délivrer de la vie, l'arbre qui portait son nom se jetait sur lui avec tout le jardin? Vers le soir, parmi le calme subit de la terre, au pied de la grille tordue, on trouva le vieux corps. Il était si horriblement, si fraternellement mêlé aux débris du être assassiné, qu'on ne pouvait en vérité dire si le sang répandu venait de l'arbre ou de l'homme, si c'était des rameaux ou des restes humains qui jonchaient le sol, au milieu de tant de feuilles écrasées. Mais ceux qui firent la funèbre trouvaille se stupéfièrent de découvrir un sourire sur le visage intact du père François. Ne leur était-il pas, cependant, facile de comprendre que ce vieil homme simple et frustré, ne pouvant plus vivre loin de ses fleurs, le cœur mystérieux de la nature, caché parfois dans la poitrine des êtres, avait su se montrer plus pitoyable que celui des gens? C'était L'arbre marqué, par Lucie de la rue Mardrus.